question. Tu as déjà dit, je crois, que l'énergie supramentale cesserait tout contact en 1991 ou 1993, point d'interrogation, avec ceux qui n'ont pas déjà un ajusteur de pensée fonctionnel. Élabore, s'il vous plaît. Bon. Non, je ne sais pas tout à fait ce que j'ai dit. Au milieu des années 90, l'être humain qui a certaines possibilités actuellement de bouger des choses au niveau de l'événementiel planétaire va perdre cette faculté. Nous sommes dans une phase de transition entre l'absurdité astrale que l'humain appelle l'intelligence, qui est de l'intellectuance, et l'intelligence supramentale, qui est une intelligence qui ne dépend pas de mémoire. Donc, qui est beaucoup plus pure, beaucoup plus vive, qui est active, qui n'est pas passive, tributaire de mémoire. Pendant cette période de transition, où l'intelligence commence à s'implanter dans le contexte astral, dans le contexte céleste, dans le monde de la mort, l'intelligence amène des facteurs nouveaux, qui ne sont pas prévus et qui ne sont pas prévisibles par l'astral qui manipule l'humain. Étant donné que celui qui a un ajusteur de pensée a un contact avec l'intelligence supramentale, dans sa propre astralité apparaît de temps en temps des facteurs neufs qui viennent totalement perturber la manipulation prévue par l'astral, par les dieux, par les égaux, par le monde de la mort. Étant donné que l'intelligence n'a pas suffisamment d'expression dans le monde de la mort et dans la conscience de l'homme pour manipuler totalement l'homme, il reste le facteur planétaire, le mental, qui est capable de s'associer avec l'ego et avec le supramental, qui est capable d'engendrer certaines décisions. Le mental aura la capacité de se servir du contact supramental qui est de temps en temps interrompu pour engendrer certaines transformations ou certaines bifurcations dans l'astralité planétaire, ce que j'appelle faire un choix d'humanité. Choisir le contexte homme nouveau ou le contexte homme ancien. À partir d'une certaine année, en 90, l'intelligence sera suffisamment implantée pour que l'humain d'assujetti à l'astral le reste, mais que l'humain qui a une conscientisation supramentale d'assujetti à l'astral devienne assujetti au plan supramental. Autrement dit, pour que le mental finisse par être subjugué par l'intelligence, et l'intelligence se finalisera dans sa fusion avec l'humain, avec l'homme, la femme ou l'enfant qui aura son ajusteur suffisamment réveillé, dans l'expression d'un contexte nouveau qui ne permettra plus à l'humain totalement planétaire d'élaborer les choix. En réalité, disons, de manipuler le manipulateur, l'ego, l'astral, pour s'en aller vers une direction qui, planétairement, est plus ajustée. L'intelligence supramentale ne connaît pas le monde de la Terre. L'intelligence supramentale, d'ailleurs, n'est rien si elle ne traverse pas un humain. Traversant l'humain, elle expérimente le contexte planétaire, et étant donné que l'intelligence est quelque chose qui ne connaît pas d'altérateur, qui ne connaît pas ce que l'humain peut appeler l'amour, quelque chose qui est extrêmement dramatique. L'intelligence, lorsque ça passe, ça passe. Lorsque ça doit changer les choses, ça change les choses. Nous avons quelques années pour pouvoir altérer quelque peu la descente de l'intelligence supramentale pour pouvoir l'ajuster plus d'une façon plus raffinée à ce que l'être humain aura besoin dans l'avenir. Ce qui, de toute façon, va se faire, mais ce que je disais lors de cette conférence, c'est que les êtres humains qui applique ce que j'ai parlé lors de la conférence, je ne me rappelle plus du titre, qu'on lui a donné. Ces humains-là vont servir d'atténuateur de descente supramentale, ce qui va rendre plus humain l'intelligence supramentale pour engendrer ce que j'appelle aussi de l'intelligence qui a du cœur. Donc, à partir de 92-93, les choix d'humanité auront, dans la majorité des cas, auront été faits, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'humains qui seront supramentalisés, et d'autres seront supramentalisables, et l'intelligence aura de plus en plus de puissance ici, qu'elle prendra de plus en plus le contrôle du contexte planétaire, ce qui, pendant que l'astral le perd et que l'intelligence ne l'a pas suffisamment, permet à l'homme, au mental de l'humain, de prendre certaines tangentes. Nous entrons planétairement et solairement. Bon, premièrement, il y a la galaxie. La galaxie que, dans laquelle nous sommes est une galaxie qui est spiralée, et c'est-à-dire qu'elle a un centre extrêmement gros qui est plus ou moins sphérique, autour duquel, dans une région extrêmement plane, tournent certains bras. Étant donné que la vitesse de rotation du centre est de beaucoup supérieure à la vitesse de rotation de l'extrémité de la galaxie, les bras ont tendance à perdre en vitesse et ça crée une forme relativement à une forme d'araignée avec les pattes qui pendent dans le sens de la rotation. Notre Soleil se trouve dans l'un de ses bras et il est dans l'une des extrémités du bras, c'est-à-dire qu'on est extrêmement loin. Si on veut rejoindre le centre par le bras, on est plus proche si on passe directement à travers les bras. Cette galaxie, le centre de la galaxie émet un rayonnement. Il n'y a pas que des étoiles dans le centre des galaxies. Il y a énormément de concentrations qui peuvent engendrer les étoiles, mais qui présentement émettent de la mémoire de création que nous appelons rayonnement cosmique, que nous appelons rayonnement de neutrinos. Il y a énormément de mémoire de l'explosion dans l'univers, il y en a aussi dans la galaxie. C'est de la mémoire galactique, c'est de l'intelligence supramentale. L'intelligence supramentale est absorbée dans notre univers, c'est-à-dire dans un ensemble de galaxies. Elle est attirée vers une région particulière. De chaque galaxie part un rayonnement supramental qui, bien qu'il soit présent dans toute la galaxie, a une tendance à être dirigé vers une région particulière, là où il y a une attraction universelle. Je ne parle pas d'un super-univers de la création, je parle, disons, d'un ensemble de galaxies limitées. Là où il y a une attraction, où cette intelligence a une... elle est attirée, et elle engendre ce que, dans certains livres, on appelle un foyer central ou un centre focal de rayonnement d'intelligence, là d'où théoriquement devraient provenir les avatars, les mécaniques fusionnelles, enfin différentes choses, qui, selon certaines personnifications ou spiritualisations de la perception de ce que j'explique, va engendrer ce qu'on peut appeler dans un certain livre qui s'appelle La cosmogonie d'Urantia, ce que le psychiatre qui a écrit le livre va appeler des centres, il va donner des noms de style planète. Alors, on aura Divinington, on aura des choses dans le genre. Bon, ce sont des noms personnifiés pour que les humains puissent comprendre sur le plan planétaire, mais le livre lui-même a été écrit uniquement pour être écrit. C'est le centre de l'intelligence dans la matière. Notre système solaire, donc le Soleil ainsi que ses 9 planètes et tout ce qui traîne avec, tourne autour de la galaxie, ce qui fait que de temps en temps, il se présente dans la région centrale dans laquelle est canalisée la majorité de l'énergie à caractère supramental, la mémoire de galaxies, et non pas de la mémoire planétaire, comme nous la connaissons la nôtre, l'astral. Là où passe ce faisceau, notre Soleil pénètre. Faire un tour de galaxie, ça prend quelques années. Ça prend 365 jours.25 pour que notre planète fasse le tour de son Soleil. Ça prend quelques années, qui se calculent en millions, sinon en milliards d'années, mais en millions d'années, pour que notre Soleil fasse le tour de sa galaxie. Il y a autre chose. Notre galaxie a tendance, dans l'univers, à circuler différemment. Donc, elle a une rotation dans un sens, et en même temps, elle est en bouleversement dans un autre sens. Ce qui engendre un déplacement qui est plus ou moins changeant. De ce fait, lorsque la galaxie qui est plane, on peut parler, disons, comme une soucoupe volante, hein, ça a une sphère avec des ailerons, lorsque le faisceau supramental est attiré dans un sens, lorsque la galaxie tourne différemment, le faisceau reste le même. On peut donc dire que si on prend comme point de vue relatif la galaxie, le faisceau supramental a une vilaine tendance à se promener dans la galaxie. Alors qu'en réalité, il ne bouge pas, mais c'est la galaxie qui tourne sur lui-même. Question de relativité. Donc, la Terre, le système solaire et la Terre ne pénètrent pas souvent ou fréquemment ce faisceau d'énergie supramentale. Présentement, depuis 1967, nous le touchons plus réellement. Ce n'est pas une question d'ère du Verseau, ce n'est pas la première ère du Verseau que nous vivons. Mais ça permet aux spiritualistes d'être tout contents. On parle d'un air de paix. C'est pas tout à fait ce qui va arriver. Développement de l'art, pas de l'art astral. Quelque chose d'autre. Mais c'est un changement, ce qui plaît évidemment à ceux qui sont aquariens, qui sont versés dans l'air aquarien, dans l'air du Verseau. Alors, présentement, notre système solaire et planétaire pénètre ce faisceau d'énergie depuis 1967, où on le sent un peu mieux. 69, on le sent intéressant, ça commence même à s'implanter dans le contexte humain. Il y a des antennes qui en ont reçu des bribes un petit peu avant, mais on parle de plus conscientisé, plus concentré aussi. Et cela va s'étirer jusqu'à un peu plus loin que de l'an 2023. Alors, ici, tu as déjà dit, je crois, que l'énergie supramentale cesserait tout contact. Bon, non. Mais que l'être humain ne pourrait pas le mental de l'homme ne pourrait pas transformer le contact supramental tout le temps. Il a quelques années pour le faire. À partir de l'an 2023, notre système solaire sort progressivement de ce faisceau. Ce faisceau supramental. Sauf que les humains sur le plan planétaire auront absorbé une quantité telle d'énergie supramentale comme on n'en a jamais vu dans la galaxie. Cela va faire en sorte que pendant le reste de la rotation, quelques milliers d'années, enfin même quelques millions d'années, le reste de la rotation avant qu'on revienne dans un facteur supramental va se faire avec énormément d'énergie absorbée. Alors, du point de vue ésotérique, on parle d'un âge d'or qui va se transformer en âge d'argent, qui va se transformer en âge d'airain et qui va finalement aboutir en âge de fer. Alors, symboliquement, on parle d'une dégradation de la conscience de l'humain après une découverte extraordinaire, un éclatement de conscience, où lentement il y aura refroidissement de la conscience pour revenir à un âge de fer, comme nous le vivons présentement. Sauf que c'est une tradition hindouique, une tradition brahmanique qui provient d'un contexte expérientiel de plusieurs milliards d'années. L'évolution étant exponentielle, l'exponentialité commence sur une ligne qui est similaire au zéro horizontal et qui devrait normalement atteindre un point majeur dans la verticale. Donc, c'est une évolution qui a tendance à monter. Mais de ce point zéro infiniment zéro, on parle de, disons, 15 milliards d'années par là-bas, les deux lignes parallèles ont tendance à être réellement comme si elles se touchaient, alors qu'elles ne se touchent pas. Mais avant que ça commence à être sensible qu'elles s'éloignent, ça peut prendre des milliards d'années. D'où la tradition brahmanique qui emmène l'idée des quatre cycles, le Kali Yuga qui est l'âge du mal, l'âge de fer, on a l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge des reins, l'âge de fer, et eux vont dire, c'est un cercle vicieux, c'est une roue sans fin. Alors, on aura le millénium, c'est-à-dire l'âge d'or, et progressivement, on ira se perdre dans l'âge d'argent, l'âge des reins, et on reviendra dans les apocalypses de l'âge de fer. Mais c'est parce que la tradition brahmanique provient de l'idée du manque de subtilité dans la perception du décalage entre le point zéro et le point évolutif qui est exponentiel. Nous sommes rendus dans un état où la courbe est réellement ascendante. Et elle sera de plus en plus ascendante jusqu'à un moment donné où ça ne paraîtra plus qu'on se rapproche de la perfection, mais on saura qu'on s'éloigne de l'imperfection. Et donc, il faut comprendre la mécanique, on ne se rendra pas compte qu'on se perfectionne, mais on saura qu'on s'éloigne de l'imperfection. On aura l'impression que l'imperfection s'éloigne de nous. Parce qu'on aura une évolution ascendante, mais on ne verra plus, à un moment donné, la subtilité du rapprochement. Étant donné que cette mécanique brahmanique était très archaïque dans la subtilité, on conserve l'idée de l'évolution qui est cyclique, qui doit être abandonnée dans la conscience actuelle de l'évolution supramentale de l'humain. Nous allons absorber suffisamment d'intelligence supramentale dans les années à venir jusqu'à l'an 2023 approximativement. Et nous allons transformer le contexte expérientiel planétaire pour commencer à rayonner d'une énergie qui obligera, bon, je le dis, c'est intéressant, je pense que tu voudras avec ça, qui obligera la galaxie à prendre un nouvel axe uniquement parce qu'il y aura un soleil autour duquel tourne une planète qui aura tendance à attirer quelque chose qui n'est pas rayonné par la galaxie, mais qui traverse notre univers et qui est rayonné par le centre de l'univers. On ne parle toujours pas du super-univers ou de la création, et qu'on appelle ésotériquement de l'énergie bouddhique. L'énergie bouddhique est une énergie qui a une correspondance planétaire, humaine, astrale. C'est ce qu'on appelle l'amour. Sauf que du point de vue de cette énergie universelle qu'on appelle l'énergie bouddhique, l'énergie d'amour, cet amour est un amour qui n'est pas sélectif, c'est un amour qui n'aime pas. C'est un amour qui touche un peu le contexte universel, comme l'énergie supramentale baigne toute la galaxie, mais il y a des faisceaux concentratifs dans certaines régions. Lorsque l'homme aura expérimenté le phénomène supramental, il aura la capacité de créer un double moronciel, un double éthérique. Il aura la capacité de se fusionner avec, ce qui va engendrer dans la galaxie quelque chose de neuf. Une expérience planétaire, connaissant quelque chose que l'intelligence supramentale n'a pas expérimenté, qui est le collectivisme dans la capacité que les égaux de s'inquiéter des autres égaux, d'être compatissants, donc de souffrir des malheurs des autres égaux, qui, dans un contexte planétaire, a servi l'homme, c'est-à-dire que ne sert pas l'homme. Pourquoi? Parce que dans un contexte planétaire, sans contrôle du mental par de l'intelligence, cette capacité qu'a l'humain devient sa plus grande faiblesse. Dans un contexte où l'humain a un contact supramental, il a l'expérience d'un phénomène qu'on appelle l'amour, mais qui est totalement détruit, dégueulasse, contexte dans le contexte planétaire. Mais par contre, il sera capable de rendre plus aimant, pas aimant, le terme est inexact, mais disons amorisant, le phénomène de l'intelligence. Donc, cela va faire en sorte que le contact supramental dans la galaxie, qui est un contact extrêmement pénible pour la majorité des systèmes d'évolution qui n'ont pas connu cette mécanique de l'amour, qui a surtout été énergisé par le passage du Nazaréen, mais qui était quand même connu avant, lorsque l'intelligence supramentale va descendre dans l'humain, elle, du point de vue du contexte du centre de la planète, elle va commencer à être rayonnée. Elle va être rayonnée comme onde de forme, colorée par l'onde de forme de l'humain. Donc, elle va être rayonnée, colorée par de l'amour. Un amour qui sera intelligencé par l'intelligence supramentale, cela équivaut à avoir un cœur intelligent. Alors que progressivement, dans l'évolution qui va suivre les 13 800 quelques années après le contact, donc après l'an 2000, l'humain va se diriger vers l'évolution d'une facette inverse. Au lieu d'avoir un cœur intelligent, il va lentement développer une intelligence qui a du cœur. Donc, lentement, l'intelligence supramentale qui aura été humanisée, amorisée par le contact avec l'humain, va faire en sorte que l'humain aura un cœur qui aura de l'intelligence. Donc, l'humain sera capable de souffrir de moins en moins jusqu'à un point où il ne souffrira plus de ce qui a toujours été une faiblesse chez lui, l'amour, qui a été récupéré par de l'émotion, parce que l'amour, c'est un sentiment, ce n'est pas une émotion, mais qui a été émotivisé par la structure astrale. L'humain qui aura un cœur intelligent sera donc capable d'un ajustement sans borne, mais d'un ajustement intelligent qui va faire en sorte qu'il ne souffrira pas de laisser mourir les plus atteints de la maladie pour ne s'occuper que de ceux qui ne sont pas atteints, se disant que ceux qui ne sont pas atteints, on va les sauver et on va éliminer la maladie de la surface de la planète, alors que présentement, on ne s'occupe pas de ceux qui sont sains, on s'occupe de ceux qui sont très malades et on a toujours des malades. Intelligence. Bon, le cœur intelligent va faire en sorte que l'humain va accepter de mettre au service de l'humanité son intelligence, mais il ne sera pas assujetti à passer en premier en fonction de l'émotivité, de ce qu'il voit. Lorsqu'il voit un humain en santé, ça ne le touche pas. Lorsqu'il voit un humain malade, ça le touche, alors il s'occupe du malade. Alors qu'on devrait s'occuper de ce qui est encore intact à l'échelle de la planète pour, lorsqu'on a réglé le problème-là, s'occuper des moins malades, des moins malades, des moins malades. Les autres seront morts et se réincarneront. Lorsque l'humain aura un cœur intelligent, c'est ce qu'il va faire. Ah, donc, d'ici l'an 2023, la planète Terre va se gorger d'énergie supramentale par l'intermédiaire de la jeunesse, les enfants téflons, entre autres, par l'intermédiaire des adultes téflons, c'est-à-dire des supramentalisables, des transportables, des conscientisables, et elle sera suffisamment gorgée d'ici l'an 2023 pour pouvoir se payer le luxe de plusieurs millions d'années sans contact supramental réel, avec un contact qui sera conservé par transport séraphique, c'est-à-dire que même si on ne baigne plus le faisceau supramental, le double éthérique aura la capacité de voyager transport séraphique, c'est-à-dire de voyager au-delà de la vitesse de la lumière, étant donné qu'il ne sera pas limité dans un continuum de particules reliées à la création, étant donné que le phénomène supramental, le phénomène ajusteur de pensée est un phénomène qui est apparu après la création et qui n'est pas restreint aux limites des déplacements dans un continuum tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 299 792,5 km à la seconde. Lorsque l'être humain va échapper à ce faisceau supramental, les êtres qui auront un contact supramental, les êtres qui auront un double éthérique suffisamment avancé et les êtres qui auront vécu une fusion auront toujours la possibilité de se nourrir du contact supramental par le canal séraphique, par l'ajusteur de pensée, même si la planète Terre ne rayonne pas de cela. Par contre, ces êtres humains vont devenir des antennes planétaires. Il y en aura 144 000 et quelques. Et ces êtres humains qui vont devenir des antennes planétaires vont servir de foyer central pour réchauffer la planète, c'est-à-dire que c'est de eux que va maintenant sortir le rayonnement supramental. Ça ne sera pas un passage dans un faisceau galactique. Par la suite, ces humains qui ont du cœur intelligent vont créer une source qui va obliger le système galactique à se placer de façon à ce que le faisceau de phénomènes bouddhiques qui traverse l'univers, donc l'ensemble restreint et local des galaxies, puisse traverser le contexte humain. Et la galaxie va... Il y a quelque chose qui va se faire de nouveau, c'est qu'au lieu que notre Soleil tourne autour de la galaxie, on parle toujours de point de vue relativiste, donc ce que j'explique est compréhensible, mais on doit se placer sous un autre point de vue de vision. Présentement, on considère que le Soleil tourne autour de notre galaxie, mais si la galaxie se met à tourner autour de notre Terre, autour du Soleil, pour nous, on tournera toujours autour de la galaxie. La nuance, c'est que le faisceau bouddhique qui passe par là va baigner le plan planétaire en permanence. Alors, pour cela, la galaxie va continuer à tourner, c'est-à-dire que le Soleil va continuer à tourner autour de la galaxie, bien que, en réalité, ou si on veut, ce n'est pas une réalité qui est absolue, c'est la galaxie qui prochainement va se mettre à tourner autour de notre Soleil. Et ça ne paraîtra pas. Il n'y aura pas de mécanisme, à un moment donné, là, de mouvement sec, là. Hop, tiens, c'est arrêté, là, ça repart, là, ça, c'est bon. On ne s'en rendra pas trop compte. Pour l'humain, c'est que le faisceau va les suivre, façon de voir les choses, mais bon, c'est une question de relativité. Est-ce que la galaxie va faire la même chose pour le plan supramental? Non. Pourquoi? Parce que l'humain n'aura pas suffisamment d'attraction, il n'y aura pas suffisamment d'humains qui auront de l'attraction supramentale pour que ça se fasse, alors que le phénomène qu'on appelle l'amour est beaucoup plus puissant en termes d'attraction que l'intelligence. Le phénomène d'amour va toucher plus que 144 853 personnes. Ça va toucher... Non, le cœur, ben, c'est-à-dire qu'il y aura les antennes principales qui seront autour de 144 000 personnages, disons corps physique, et nécessairement par rayonnement et par imprégnation, ça va toucher plusieurs. C'est que l'intelligence n'a pas la capacité d'attraction qu'a l'amour. Je te donne un exemple, facile à comprendre. Un télévangéliste qui parle d'amour aura beaucoup plus de public qu'un conférencier qui parle d'intelligence. L'attraction de l'intelligence n'a pas la même puissance que l'attraction de l'amour. Sauf que dans le contexte planétaire, parler uniquement au niveau de l'amour, c'est parler au niveau de l'émotion. Alors, on ne fait que se servir de la faiblesse de l'homme pour manipuler l'homme. Si on parle d'intelligence, ça n'a pas la même attraction parce que, premièrement, on ne manipule pas les êtres humains intelligents. Et c'est donc une résonance qui est une forme d'amour, une petite force attractive qui n'a pas la capacité de transformer le système galactique en fonction d'un contexte d'émergence de façon supramentale. Pour que cela se fasse, il faudrait que la galaxie cesse de tourner dans un sens et tourne uniquement dans un autre sens, pour que le Soleil reste dans le faisceau de l'expression de la mémoire galactique vers le centre source de notre univers. Par contre, le contact bouddhique, c'est-à-dire que si on développe suffisamment un amour intelligent, cet amour est rayonné dans la galaxie, donc elle va manipuler la structure galactique et elle va permettre de bouger les choses pour que l'attraction se fasse en direction du plan bouddhique. L'amour a une puissance d'attraction qui pourrait être, si on veut faire un parallèle, ramené à la force forte de la structure intra-atomique, alors que l'intelligence est la force faible. Pour ceux qui comprennent, Puis où va aller l'énergie supplémentaire entre-temps? Aller nourrir d'autres galaxies? Est-ce qu'il y a d'autres habitants sur d'autres planètes? Non. Je lis un livre. L'énergie supplémentaire, présentement, elle est reliée uniquement vers un centre source qui permet à des mécaniques effusionnelles, pour que l'humain comprenne, on peut dire des entités ou des extraterrestres, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que ce n'est pas personnifiable. Ce n'est pas des corps physiques, c'est vraiment pas comme l'humain le conçoit. Ces personnalités qui sont des hiérarchies cosmiques, donc qui sont supérieures en efficacité ou en possibilité à ce que nous sommes, mais qui sont inférieures en temps. C'est-à-dire qu'ils sont neuves, elles doivent évoluer. Nous avons évolué, donc nous sommes plus basses qu'elles en termes de possibilités, en termes de hiérarchie, mais nous sommes en train de remonter alors qu'elles sont en train de descendre. Donc, en termes de temps, nous sommes plus évolués. En termes d'immédiate expression, nous sommes inférieurs. Pas moins évolués, mais inférieurs dans l'efficacité. Ce sont donc des hiérarchies qui ont certaines fonctions. Et ces hiérarchies sont... L'effusion se fait par le centre de notre univers, où c'est relié au centre du super-univers, où c'est relié au centre de la création, mais c'est des choses que je préfère aborder en conférence spéciale, parce que je peux m'éclater un peu plus. On va donc rester dans notre galaxie. Le faisceau supramental est un canal qui permet à des mécaniques effusionnelles de descendre et de nourrir la galaxie en énergie pour que la galaxie ne s'éteigne pas. La galaxie a besoin d'énergie. Pourquoi? Parce que la majorité de toute sa structure photonique, lorsqu'un soleil éclate, lorsque la lumière d'un soleil est émise, la majorité de l'énergie est dilapidée à l'extérieur de la galaxie dans un endroit qui est de moins en moins vide. Alors, nécessairement, les galaxies ont besoin, comme les soleils d'ailleurs, les soleils sont reliés aussi à différents mécaniques, les galaxies ont besoin d'une source d'énergie qui démolit l'entropie des galaxies. Et c'est par ce canal que cela se fait. C'est de l'énergie qui est amenée à la structure même du centre de la galaxie par un canal qui bâtit à même la mémoire de la création de la galaxie. Ce sont les traces mémorielles pour qu'une énergie retrouve une condition créée. C'est-à-dire que l'énergie qui provient d'un super-univers ne circule pas dans le vide de l'univers. Elle circule au niveau des galaxies. Des galaxies, elle est digérée et rayonnée. Comme la lumière solaire peut être absorbée par le plan planétaire et elle est rayonnée en infrarouge, le reste est absorbé. Par contre, ce canal est un canal qui est bâti à même la mémoire de la création de la galaxie, ce qui fait que c'est une mémoire galactique, à l'intérieur duquel traversent des énergies fusionnelles. Le plan planétaire, présentement, n'a à peu près pas ce qu'il faut énergétiquement, il n'est pas suffisamment subtil ou réchauffé pour absorber des mécaniques effusionnelles. Il y en a quelques-unes qu'on appelle interventions extraterrestres, mais très peu. Bon, les extraterrestres ne viennent pas de notre galaxie. On parle pas de... Il y en a certains, mais je ne parle pas de ceux-là. Ce sont des extraterrestres, mais différentes sortes d'extraterrestres, hein, comme une différente sorte d'auto. Bon. Lorsque le contexte planétaire traverse ce canal, il absorbe l'information de la galaxie, ce qui donne à la conscience de l'homme une vision plus cosmique de ce que c'est que la Terre. ce qui fait dire à l'humain qui a cette conscience que nous ne sommes pas que des véhicules animaux, que nous ne sommes pas que des cellules, que notre corps provient d'une supernova, que nous sommes donc constitués à même les éléments d'une supernova qui a explosé, que nous avons, enfin, quand tu as une conscience galactique, et bien là, tu as une vision totalement différente de ce qu'est l'humain. C'est pourquoi parler sur 500 ans ou 1000 ans d'évolution, ce n'est pas une problématique. Alors, à quoi sert l'énergie? Bien, l'énergie sert simplement, c'est une espèce de cordon ombilical qui est la trace mémorielle d'où a explosé la galaxie. Ça sert à rien, mais on s'en sert. Qui sont les intraterrestres? La question serait plus juste si on la posait comme « que sont les intraterrestres? » Quelle est leur origine? Que sont les intraterrestres? Bien, leur origine, c'est le centre de la Terre, c'est les intraterrestres. OK. Que sont les intraterrestres? Bon. À un moment donné, j'ai donné un cours sur le voyage astral à certaines personnes, et puis on votait où on allait. Or, certaines personnes avaient décidé d'aller faire un tour au centre de la Terre. Alors, je leur ai dit « OK. Il y a une porte au pôle Nord. On va faire un voyage, on va se déplacer vers le pôle Nord, et puis si vous trouvez l'emplacement pour entrer, bien on rentrera. Mais vous ne serez sans doute pas suffisamment énergisé pour y rester. » Alors, évidemment, c'est tout des égaux, hein, fait que là, c'est bon. Ça vaut du monde évoluer, mais tu vois, un petit égo quelquefois là-dedans, quand t'es mis au défi. Alors, on applique la technique, et puis lentement, les corps astraux décollent. Et puis, on n'a pas besoin de corps astral, mais on s'ancre, c'est plus plaisant. Et puis là, on grimpe dans l'atmosphère, on tourne un peu autour d'un satellite, et puis on se dirige vers le pôle Nord. Et on faufile un peu au-dessus du pôle Nord, attiré par n'importe quoi. Je laisse les gens aller, et ça s'en va à une vitesse intéressante, les blocs de glace en passent. Pas de danger quand on est dans l'astral, même si c'est en frappeur, c'est trop pire. Et puis, à un moment donné, on arrête. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. C'est un ours blanc. C'est des égaux. Continue à fouiller, mais j'ai jamais vu un ours blanc. Et puis, à un moment donné, on trouve un trou. Une espèce de porte. Il n'y a pas de porte, là, mais c'est pénétrable, et si on pénètre là, à travers la surface matérielle, on arrive quelque part d'intéressant. Où il devrait rester des intraterrestres, évidemment. Alors, on descend lentement, et en descendant, on découvre que le froid disparaît. On n'avait pas froid, mais on perçoit que la matière est de plus en plus chaude, de plus en plus éclairée, de plus en plus rayonnante, de plus en plus vibrante. Et au fur et à mesure où on descend, on se rend compte que ce n'est pas une question de matière. On pénètre dans un monde qui est parallèle à la structure matérielle planétaire. Et ce monde se sert du centre de la Terre, qui est extrêmement chaud, à preuve la température de la lave des volcans, se servent de cette énergie pour conserver leur vibration, pour pouvoir conserver leur existence. C'est-à-dire que plus on descend, c'est pas tout le monde qui déconne ça, là, mais plus on descend à travers cette espèce de porte, plus je me rends compte que ce monde parallèle n'existe que par la chaleur de la planète. La chaleur du centre de la Terre. Et à un moment donné, on découvre des végétaux. On découvre différentes choses intéressantes, mais qu'on ne connaît pas à la surface de la planète. Mais il faut faire attention encore. C'est réel astralement. Et c'est réel moléculairement, mais c'est figé dans le roc. Alors, quelqu'un qui descend en spéléologie, il va trouver des fossiles, lui. Alors, on descend et on visite un petit peu le canal, et à un moment donné, on voit une immense, immense lumière. Alors, on a entendu parler que possiblement, il y avait un soleil central et que les êtres humains, les êtres terrestres, vivaient plantés à l'inverse de nous autres. Et ils ne tombent pas, évidemment, parce que sur la planète Terre, pas d'eau, pas de bas. Et c'est l'idée qu'on se fait. Alors, on descend la vie. À peine on est rendu où est-ce qu'on peut commencer à voir quelque chose, que tout devient blanc, c'est de la glace. Ils ont trop d'égo. Ils ont commencé à sécréter, le corps commence à bouger dans la pièce où on était, et tout le monde se ramasse à l'extérieur. Mais moi je les suis, donc je me ramasse aussi à l'extérieur. L'intraterrestre, on en a vu quelques-uns, c'est facile, on peut aller voir n'importe quand. Qui ils sont? C'est un monde parallèle qui a été engendré. version très refroidissante de la création d'un contexte planétaire, il y a de cela 4 milliards d'années, c'est l'enfer. C'est-à-dire que pour une conscience ascendante évoluée, c'est l'enfer, c'est le feu éternel, c'est la mémoire de la sphère gazeuse extrêmement chaude, qui était presque un soleil, notre Terre, un tout petit, qui s'est refroidi suffisamment pour devenir solide. À l'intérieur, il y a encore énormément de chaleur. C'est la mémoire très vibrante de l'évolution de l'homme. C'est la mémoire très vibrante de, dépendant de où on va au niveau de la structure intraterrestre, parce qu'on a différentes portes. On a la Garta qui est une porte, on a Shambhala qui est une autre porte. L'une est beaucoup plus satanique que l'autre. Et il y en a une qui est au Tibet, l'autre est au pôle Nord, enfin, même sur le territoire canadien. Et lorsque on rentre à l'intérieur de cela, on découvre différents visages où il n'y a que de la mémoire. Les extraterrestres sont de la mémoire d'homme. C'est la mémoire de l'humain très évolué en phase d'involution, cristallisée à travers une structure suffisamment chaude pour conserver leur degré d'évolution. Mais lorsqu'ils sont à l'extérieur, ils deviennent relativement évolués. C'est pourquoi dans le passé, la majorité des extraterrestres qui sont sortis, on les connaît sous le nom de Gargouille, et ça l'a existé, mais il y a aussi un paquet d'autres phénomènes, avec une idée de sortir et conquérir la surface de la planète. Il y a dans la mécanique intraterrestre différents phénomènes qui sont capables, étant donné le degré d'évolution de notre monde, où l'humain a une capacité de rétention de l'énergie supramentale qui augmente la rapidité de sa structure atomique, ce qui augmente, non pas une chaleur calorique, mais ce qui augmente le degré de chaleur énergétique de contexte planétaire, ce qui permet des intraterrestres de commencer à sortir sans être dévalués, sans être désénergisés trop rapidement. L'idée, bon, l'intraterrestre est un phénomène satanique qui a tendance à amener, bon, je ne dois pas trop en parler parce que c'est du soubresaut, il est plus en bas. Mais les intraterrestres voient d'un bon augure une guerre nucléaire globale. Ça permet le réchauffement. On parle d'un hiver, ça permet un réchauffement énergétique. Un refroidissement calorique, ce n'est pas important. Ça permet un réchauffement énergétique de la structure planétaire, ce qui va donner un coup d'envoi à la Terre, étant refroidissement régulièrement. Ils ont un intérêt à ce qui se passe, certaines choses dans le genre. Mais une guerre nucléaire, de toute façon, ça va créer certaines mutations au niveau de certains corps physiques, l'homme, la femme et l'enfant nouveau, et ça va de toute façon les amener à s'en sortir. Donc, l'intraterrestre, fondamentalement, n'est pas quelque chose d'extraordinairement bon pour l'humain. Certains vont travailler pour eux, ils travaillent tous pour eux, mais certains, en travaillant pour eux, vont donner un coup d'envoi à ce millénium attendu. Et, en gros. Jusqu'à quel degré manipule-t-il l'humanité? 3,7. Sont-ils physiques astro? Ce sont des astros. Les hommes en noir sont-ils directement reliés à eux? Plusieurs, mais d'autres sont déposés par des mécaniques extraterrestres. Sont-ils des humains ou des projections astrales? La majorité sont des Golas, donc ce ne sont pas des humains, quoique ils ont un corps humain. C'est-à-dire que c'est une structure qui est génétiquement conçue à même celle d'un corps humain. On a souvent enlevé des femmes aux États-Unis, au Canada, dans les pays industrialisés, pour pouvoir ramasser certaines choses et pour engendrer des Golas. Qui sont des clones manipulés par une mécanique qui n'est pas astrale. Donc, ce ne sont pas un humain dans le sens manipulé par des mécaniques planétaires, mais ce sont des corps humains manipulés par des mécaniques intra ou extraterrestres. Si tu es sur le point de tousser, de traverser la barrière et que ton médiocrisme te bloque, quoi faire maintenant que je suis consciente? Pour ne pas me rendre malade avec ça, être impatiente avec ça, comme tu as déjà dit, aller trop vite, ce n'est pas mieux. Je me dis, quand ce sera le temps, ça va arriver. Est-ce que c'est correct? Ne vous rendez pas malade avec ça, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pourrais prendre une heure et demie pour l'expliquer, mais on n'a rien qu'à pas se rendre malade avec ça. Pourquoi se rendre malade? Parce que ça ne va pas. Pourquoi se rendre malade? Parce qu'on est conscient des problèmes. On ne se rend pas malade. C'est tout. Ça me... Je vais vous conter une petite histoire intéressante. J'ai commencé à écrire un livre il y a un an qui s'appelle de la naissance à la mort. C'est le premier livre de psychologie transtemporelle. C'est le tome 1. Il aura 400 pages, approximativement un petit peu moins bon. C'est le tome 1. Et j'écris le livre, ça va bien, l'ordinateur fonctionne, etc. Et puis à un moment donné, eh bien, l'Hydro-Québec, je ne sais pas qui, en tout cas, c'est un extraterrestre, remarque, ou un gros là, ça coupe le courant. Alors évidemment, je vais faire 50, 60 pages. Et comme j'écris d'une façon instantanée, je ne me rappelle pas ce que j'ai écrit. Je commençais à vouloir m'en rappeler, ça me prendait un an, alors je préfère recommencer un nouveau texte. Et là, mon ego, il dit peut-être que ce que tu écrivais, c'est pas ce qu'il fallait que tu écrives. Alors moi, je dis au classement mental, ben, déniaisez-vous, faites-vous pas écrire quand c'est pas le temps. Et puis, quand ça sera le temps, vous pouvez écrire. Ça, c'est, entre vous et moi. Et puis, je recommence, et ça va extrêmement bien, jusqu'à temps que j'arrive à 100, 120 pages, 130 pages, et puis, je sauve tout ça. Mais le programme que j'ai pris sauve, lui, jusqu'à 100 pages. Mais il peut écrire 3000 pages. C'est un programme qui était fait par un génie, qui permet d'écrire 3000 pages, mais qui en sauve 500. Ils se sont dit, jamais un humain va se servir du programme en haut de 100 pages, sauf que ça vaut pas la peine que l'ordinateur lui dise, plus de mémoire, tu sais, faites quelque chose. Sauvez ça par bloc. Alors on sauve tout ça, et puis quand tu reviens une semaine après, tout fier, ah ben 100, quelques pages, intéressant. Quand tu remontes le programme, puis t'es rendu à 100 pages, tu vas aller plus loin, mais ça va pas plus loin. D'écrire, mais c'était pas bonne filière, alors tu prends un mois à chercher dans ta étiquette, etc. Et puis, à un moment donné, ben, je me rends compte que c'est ça. Alors, je change le logiciel, j'en mets un autre, puis là, je transfère ce que je peux transférer de texte, puis je continue. Et à un moment donné, eh bien, je corrige des choses. Un paragraphe, je l'efface, je l'aime plus. Mais ce logiciel, lui, c'est quand tu effaces trop, il plante, mais il te le dit pas. C'est-à-dire qu'il plante pas. Tout va bien, mais tu le sauves, c'est parfait. Quand tu viens pour aller chercher, il écrit, le document est inutilisable. Et avant de découvrir que c'est parce que tu effaces qu'il le rend, quand tu as effacé plus que X mots, j'ai compris que le gars qui a fait le logiciel, lui, quand tu effaces, il ne l'oublie pas. L'ordinateur, le programme n'oublie pas ce que tu as effacé, il le place quelque part. Quand tu es plein, les informations pour aller chercher le programme sont détruites pour mettre dans la mémoire d'effacement. Alors, quand il vient pour aller chercher, ben, il met, lui, en anglais, le document est corrompu. Mais c'est le gars qui l'a fait, il est corrompu. Alors, le programme est totalement pourri. Je ne peux plus me servir des textes, je ne peux plus rien faire. Alors là, on peut encore se poser des questions. Est-ce que c'est l'ego, est-ce que c'est l'astral, est-ce que c'est ma femme, est-ce que c'est ma femme, est-ce que c'est mes enfants, est-ce que c'est la maison, est-ce que... Tout ce que je sais, moi, c'est que non. J'ai du mental. Je travaille sur la planète Terre vers la fin du 20e siècle. Tout n'est pas parfait. Il y a de l'ego, il y a de la phrase, des problèmes techniques, des imbéciles, une société qui a fait un logiciel bien vite, qui a mis sur le marché faire de l'argent, puis deux ans après, ils vont se rendre compte des problèmes qu'il y a, puis ils vont l'améliorer. En attendant, moi, j'écris des livres. Alors, j'ai décidé de cesser de chercher et de me casser la tête, et j'ai pris le logiciel en question, je connais ses limites. Alors maintenant, quand j'ai un texte à effacer, je fabrique une petite boîte, je relis ma petite boîte à celui-là, je rétrécis ma petite boîte, mon texte disparaît, il apparaît dans l'autre, je coupe la reliure entre mes deux boîtes, donc je m'en fous, et cette boîte-là, je n'ai rien effacé, c'est mon texte pas bon, je la rétrécis à un point tel qu'on ne la voit plus, mais il n'est pas effacé. Je fais partie du logiciel dans la structure convenable du logiciel. Et puis, va pas te coucher, mon petit. Là, j'ai agrandi ma boîte. Et puis maintenant, je remets mon texte dedans. C'est plus compliqué, m'en fous. À chaque 100 pages, je sauve. Et maintenant, j'ai le livre, par exemple, de la naissance, tome 1, 1, tome 1, 2, tome 1, 3. Ah ben là, alors j'ai réglé tout le même petit problème d'astral, dessus, de ça, et de là. Voilà. Servez-vous du mental. Vous connaissez la personne avec qui vous voyagez. Elle est chialeuse, vous l'amenez avec vous, attendez-vous ce qu'elle chiale. 5. Elle dépasse, vous l'amenez avec vous, attendez-vous ce qu'elle dépasse. Ça sert à rien de lui dire, ouais, mais il me semble que c'est pas changé encore. amené la pluie. Alors moi, j'ai pas le choix, il n'y a pas d'autre du ciel, celui-là que je connaissais, ça allait bien avec ce que je voulais, alors je me suis adapté. Mentalement, j'ai décidé de contourner toutes ces lacunes implantées pour faire planter les choses. Hydro-Québec, maintenant, comment on règle son problème? Eh bien, c'est simple. On sauve plus souvent, puis on sauve sur deux disquettes. Alors, je sauve là-dessus, et puis quand c'est sauvé après 7-8 pages, je tape encore 7-8 pages. Après, je ne sauve pas là-dessus, parce que s'il y a une panne de courant pendant que je sauve, je vais scraper le programme qui est là. Je sauve sur l'autre disquette. Et puis là, j'y vais comme ça, marche par marche, puis à la fin, ben une, puis tout est dessus. Voilà. Puis quand ça plante pareil, bien pour sauver, ça plante pareil. Et je me dis, bon, c'est pas le jeu de télévision, je peux là, perdre du sépage, c'est pas grave. Avant, on perdait ça. Tout. Et puis, présentement, le livre est prêt. Il y a l'imprimeur qui est ici dans la salle, qui imprime de temps en temps de nos ouvrages, et là, il reste à voir si le feu ne prendra pas dans son imprimerie, que je dis ça encore qu'ils ne veulent pas prendre un contrat, que les presses ne me fonctionneront pas, que ces employés ne se casseront pas la gueule. Mais, progressivement, on arrive à déjouer les mécaniques. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en fait pas. Et, possiblement, que quand le livre va sortir, ça va être le temps. Alors que l'intelligence ne pouvait communiquer convenablement, permet à l'astral de venir te frapper, elle aurait pu me faire écrire 40 fois le même livre. Et j'ai écrit le syndrome de l'enfant teflon à un moment donné, donc j'ai mis ça, je l'ai remis aux oubliettes. Et finalement, on se stresse plus, on ne se pose pas de questions. Devenir malade avec ces choses, pas, oh, voyons donc. Amusez-vous un peu. Regardez, j'ai écrit le livre au complet, mes disquettes passent tout au feu. Pourquoi j'aurais à chialer? Dans 20 ans d'ici, livre, pas livre, etc. On traverse le temps, on traverse la vie pour aller chercher de l'information. C'est pas de la frustration, je n'ai pas besoin d'exprimer. J'ai appris en écrivant le livre, c'est monnayer son intelligence, c'est intéressant. Puis si ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, d'après. Vous êtes là, vous allez trouver d'autres façons de vous en sortir, vous allez trouver d'autres façons de traverser, le but de Christ est un frein total, on s'en fout. On ne se rend pas malade avec les choses. On ne se rend pas malade avec les choses. J'allais voir ma femme, puis je lui disais, bon, devine, pas encore. Tadam! C'est tout. Et je ne tolère pas que ça se répète. Alors, à un moment donné, vous vous asseyez, puis vous vous dites, bon, ben, je vais régler. Je vais régler le problème. Alors, vous mentalisez les choses, et puis après ça, vous réglez le problème. Puis quand il y aura d'autres problèmes, il y aura d'autres problèmes. Tu as déjà voulu faire des choses, toi. Tu as connecté ton ordinateur dans une prise de 110, puis c'est 220 qu'il va te faire. Ben, c'est ça. Je t'ai dit, il faut que jamais je touche à quelque chose d'électrique. Tu crois que c'est toi qui as transformé le 110 en 120, en 220? Ça me surprendrait pas. Bon, en tout cas, la fille là-bas était heureuse. Ça fait 2 ans qu'elle est allée son poil là-dessus. Quelle est la différence entre les apnéens et les éloignés? Tu me passes papier. Il n'y a pas de différence fondamentale en toutes les mécaniques astrales que l'humain invente des mots ou que l'humain se sert de mots déjà existants pour définir des contextes. Ce sont des mécaniques qui assujettissent l'homme, qui assujettissent la psychologie de l'humain. Certaines personnes, par exemple, vont prendre certaines mécaniques de vérification. D'autres personnes vont accepter certains mots. Quand on rajoute, par exemple, le mot « un », on le rajoute dans le langage français, entre autres, « terrien ». C'est donc « habitant de ». C'est une personnification. C'est un être. Et le « un »,« être ». Quel que soit le terme « un » qu'on va rajouter, on désigne par là un être. Et il n'y a pas d'être dans le genre « rien »,« un », à part l'homme. Il n'y a pas grande différence. On peut parler de différences fondamentales, énergétiques, entre apunéen, bon, éloïen, martien, Jéhovah, mais Jéhovah, c'est les êtres jéhovéens. dans la structure hiérarchique de leur descendance ou dans l'importance qu'ils ont jouée dans l'illusion de la psychologie de l'humain. Mais fondamentalement, du point de vue de ce que l'humain doit retenir du point de vue de l'intelligence, il n'y a pas de différence marquée, ce sont des illusionnistes. Quelle différence y aura-t-il entre un apnéen gardien de la cellule et l'homme nouveau? L'homme nouveau est un être existentiel, expérientiel. Expérientiel veut dire qu'il développe sa conscience à partir de l'expérience. Existentiel veut dire qu'il n'a d'existence que si un observateur le constate. L'être humain est existentiel et expérientiel. L'homme nouveau, lui, existentiel, anciennement expérientiel, devient instantané. De son instantanéité, il devient pré-existentiel, c'est-à-dire que de par lui-même, il ne constatera pas son existence. Il reste existentiel parce qu'il sera existentiel en fonction des observateurs, ceux qui ne sont pas les hommes nouveaux. Les gardiens, gardiens de cellules, sont des êtres qui sont projetés par la spiritualisation dans l'astral de l'humain, c'est-à-dire que ce sont des visions à caractère supramental, intelligent, futur, futuriste, à caractère spirituel, à fondement spirituel, qui ont comme fonction de créer de nouveaux postes dans la conscience spiritualisée évoluante de l'humain qui se conscientise et des autres pour pouvoir trouver un nouveau job à Dieu. C'est-à-dire que présentement, il y a une tendance dans la spiritualité, dans l'astral, à engendrer de l'extraterrestrialité, de l'intraterrestrialité, à engendrer certains facteurs qui semblent pouvoir épauler l'homme nouveau, épauler l'avenir, mais qui ne sont que des transpositions dans la forme de vieilles mécaniques qui se cherchent des postes. Alors, la différence entre l'homme nouveau, c'est que celui-ci est un phénomène qui sera le maître du reste. Tout le reste sera le serviteur, et s'ils sont imbéciles, l'esclave. Ça va être quoi, ce nouvel job, Dieu? Autant pas en parler. Je crois que ça va déjà assez mal dans le ciel, s'il faut en plus qu'on lui explique. On fait la grève? Non. Dieu va servir de canal. Dieu sera la religion. Dieu deviendra la technique. Il sera l'escalier. Il ne sera pas le plancher à atteindre. Il ne sera plus le but à atteindre. Il sera le plancher sur lequel on va marcher. Qu'est-ce qui provoque un enchaînement de grève comme on a actuellement? Selon certains points de vue, c'est Bourassa. Ouais. Je suis sûr que lui serait bien fier d'entendre dire que c'est tout dû à lui, là. Mais dans l'astral, il n'y a pas de... Je ne sais pas si Robert Bourassa est chez lui et il dit « Ah, l'astral, oui, encore. » C'est pas bon non plus. Les grèves, qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ça fait des mouvements de masse comme ça? Mais parce que l'humain vit collectivement, c'est pas compliqué. Vois-tu, présentement, ce qui arrive, c'est qu'il y a un syndicat. Les syndicats, c'est un gouvernement non élu. Et les syndicats sont dangereux pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils manipulent les populations, mais c'est tellement sournois, tellement indirect, tellement discret qu'on ne voit pas. Parce que présentement, les syndicats, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui déterminent ce que les gouvernements font. Et les syndicats ont un syndicat, mais ils ont beau vouloir se voler des membres, les syndicats, c'est des égrégores. C'est comme les égrégores nationalistes. C'est des égrégores divins. On en a déjà parlé à un moment donné. Alors, chaque syndicat est comme un dieu qui tient à avoir des alimentaires, des cotisations syndicales. Mais les dieux sont capables de s'unir contre quelque chose de trop puissant. On a déjà parlé un peu. Les dieux, à un moment donné, vont s'unir ensemble contre l'intelligence de l'homme. Alors, ce qui arrive présentement, c'est que même si les syndicats font de la relation publique pour voler les syndiqués, les autres centrales syndicales, lorsque le gouvernement vient imposer des sanctions, des punitions qui semblent être totalement anti prolétarienne, le peuple lui-même, alors vous allez perdre de l'ancienneté, vous allez sceller ça. Les autres centrales syndicales, pour n'importe quel motif, sont prêtes et peuvent se motiver à faire la grève, c'est-à-dire que là, on lutte contre un gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement non élu, les syndicats, perdent du pouvoir, alors ils vont s'unir pour planter le pouvoir qui leur ôte, qui est le gouvernement élu. Alors, nécessairement, les individus qui se disent... Parce qu'à un moment donné, les infirmières disaient, là, on en a un roll-boy qui est plein. Et dernièrement, je voyais une personne qui représentait la CEQ, on a un roll-boy! Voilà, ils embarquent, ils suivent, là, eux autres. Ils savent pas ce qu'ils font là, mais... Alors, ils sont écœurés, comme ils sont toujours écœurés. Et puis là, ben là, c'est le temps d'être écœuré un peu plus. C'est comme le temps, parce que là, il y a des élections. Et les gouvernements devraient faire quelque chose. Et puis là, comme il y a 45 000 qui sont en grève, et puis que ça fait un mouvement de masse. C'est comme la Coupe Stanley, on la gagne, on cause tout. Ben là, c'est ce qui se passe. Quand on a des mouvements syndicaux, des grèves comme ça, qui fonctionnent dans ce genre-là, ça permet à certains... ça purifie les choses. Premièrement, une grève massive, ça appauvrit un peuple. Et là, on a une grève massive qui appauvrit. On va faire une grève dans le secteur de l'éducation. Déjà qu'on a tellement de problèmes dans le secteur de l'éducation, il faudrait qu'on passe à faire d'autres choses. Grève dans le système hospitalier, c'est évident qu'il y a des problèmes là-dedans que le gouvernement ne veut pas régler. Pourquoi? Parce que le peuple ne veut pas régler ces problèmes-là. Un gouvernement qui veut régler le problème dans l'engorgement dans les hôpitaux met un ticket modérateur. Et là, immédiatement, tout le monde se met à chialer. Pas de ticket modérateur. Bon. Le gouvernement qui dit, bien là, on n'a plus d'argent, il faudra qu'on baisse les salaires ou qu'on n'augmente pas les salaires. Ah, il n'est pas question. Ben, on va couper des assurances sociales d'abord. Ah, pas question. Ben, on va imprimer plus d'argent. Faites ça. Faites ça. Votre paie va coûter 25$ à un moment donné. Parce que on peut en imprimer de l'argent, c'est l'illusion. Le peuple, n'étant pas un peuple qui prévoit et solutionne les problèmes fondamentaux, mais étant un peuple qui ne fonctionne qu'avec de l'illusion, avec des solutionnements qui émotivement leur plaisent, même si ça peut engendrer un dégradement total des conditions humaines à long terme, ce peuple-là élu des gouvernements qui ne peuvent rien faire. Le gouvernement qui veut régler le problème dans le milieu éducationnel, dans les milieux publics ou parapublics, est un gouvernement qui doit appliquer des choses qui ne pourront pas être comprises par le peuple. Donc c'est un gouvernement qui ne sera pas réélu. Comme les individus qui font de la politique, ce sont des individus qui, premièrement, veulent être élus, pas nécessairement, on s'arrange pour être élus. Présentement, le fait de le gouvernement, par exemple, de Bourassa, le fait d'imposer des sanctions pénibles sur les infirmières, ça va donner une crédibilité du gouvernement comme quoi il est un gouvernement qui est responsable et capable de diriger. Évidemment, le peuple qui ne comprend pas va dire qu'il crime 40 000 personnes, il perd un paquet d'électeurs. Si. 40 000 personnes sur quoi, 2, 3 millions, 4 millions d'adultes, il ne perd pas grand-chose. Par contre, les autres centrales syndicales vont profiter de l'occasion pour que le gouvernement se dise « Ben, c'est correct, prenez ce que vous voulez. » Mais un gouvernement qui dit correct, prenez ce que vous voulez, c'est un gouvernement totalement irresponsable, c'est un gouvernement d'imbéciles qui va simplement redorer l'image de marque des syndiqués, et des syndicats surtout. Et dans pas grand temps, on ira de plus en plus vers la faillite. Bon, il arrive ceci. Il arrive que les infirmières veulent une augmentation de salaire pour pouvoir être... non seulement conserver leur capacité d'achat, leur pouvoir d'achat, mais l'augmenter. Comme on ne prend pas de l'argent étant une société capitaliste, on doit faire de l'argent, faire des profits. Maintenant, le gouvernement va nécessairement augmenter les taxes. Donc, il va augmenter les taxes des infirmières. Si les infirmières ont une augmentation, disons, de 10%, le gouvernement demande des taxes de 1% pour payer le 10% des infirmières. Donc, les infirmières ont une augmentation de 9% réelle. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'étant donné qu'on est beaucoup taxé, les professeurs font une grève. Alors, le gouvernement va augmenter les professeurs. Mais les professeurs vont avoir 10% d'augmentation, mais il y a déjà 1% qui paye les infirmières. Donc, il y a 9%. Et là, on va augmenter encore les taxes, les impôts, de 1% pour payer les professeurs. Et que les infirmières passent de 10 à 8%. Les professeurs aussi. Mais là, ce qui va arriver, ça coûte cher. Ce qui fait que là, Hydro-Québec, GM, enfin, les policiers, plein de monde vont broyer pour avoir une augmentation. Ce qui fait que progressivement, le 10% qu'on a augmenté les infirmières va leur servir 6 mois. Parce qu'après ça, on va devoir, par les taxes sur les biens de consommation, par l'impôt, par etc., on va devoir aller chercher le 10% qu'on leur a donné, de toute façon, à le redistribuer ailleurs. Et là, 2 ans après, les infirmières refont la grève pour avoir un 10% d'augmentation, et le jeu recommence. Alors, on n'est vraiment pas dedans, on n'est vraiment pas dedans. Puis un gouvernement intelligent, il ferait d'autres choses. Moi, j'ai une opinion de ce que je ferais. Mais ça, on va même en parler. Pas-en, non. Non, parce que je leur vendrai. Vendra des cassettes. Mais ça va pas faire toutes ces choses-là, à un moment donné, qu'on peut finir par ressembler à ce qui s'est passé à la Pologne, en Pologne? Ce qui est, ben justement, c'est que présentement, on va vers un appauvrissement, et les individus fonctionnels de point de vue émotif, pour se sécuriser, veulent des augmentations. Ces augmentations-là vont nous appauvrir. On augmente le degré d'inflation, ça va donc ralentir la construction, ça va ralentir la majorité des choses qu'on manufacture, ça va engendrer des stress et des dépressions, ça va nécessairement augmenter la vente de médicaments et l'engorgement des hôpitaux. Par contre, les médicaments vont pilonner l'intelligence du peuple et graduellement, on devrait s'en aller vers une crise économique que les spécialistes prévoient depuis 2 ans, qui n'arrive pas, maudit, et peut-être qu'on va l'avoir, finalement. Mais nécessairement, ce genre de structure ne fonctionne pas du tout. Parce que si j'engage un employé et je lui dis, je te paye 30 $ de l'heure, les autres vont payer 10 $ de l'heure. Alors, en payant 30 $ de l'heure, on va avoir la paix. 2 ans après, ben, il va faire la grève pour 35 $ de l'heure, lui. Parce que les autres font la grève pour 15 $ de l'heure. Lui veut garder son distance. Alors, j'ai beau vouloir le raisonner, il fait la grève. Alors, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, en tant qu'employeur, ben, il va partir à 6 $. Tant qu'à faire la grève, ça va au moins coûter moins cher. Bon. J'ai travaillé pour un bonhomme, un juif, qui, lui, avait fourni à tous ses employés des cours, de l'équipement, enfin, les employés étaient heureux. Et à un moment donné, la CSN est rentrée un peu partout, puis lui a dit à toutes ses compagnies, ne vous syndiquez pas, sur contrat, je vous garantis que vous aurez toujours la parité avec ce que les autres auront. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? On ne fera jamais de grève, on n'aura jamais de problème, ils vont la faire pour nous. Pendant qu'ils sont en grève, nos travail, tout ce contrat, c'est de l'argent en masse, puis quand ils gagnent, on gagne. Ben, ils sont tous syndiqués. Parce qu'ils ne croyaient pas. Non, sur papier, on fait un contrat, on fait un syndicat de boutique, on fera ce que vous voudrez. Mais je le signe, je le garantis. Puis déjà là, qu'ils nous payaient les cours, ils payaient, c'est évident. Ils sont tous syndiqués. Ah, le bonhomme, il mange de l'air, hein? Bon, il a pas là-dessus. Tout le monde a descendu le salaire, puis maintenant, la parité, ils l'ont. Après des grèves, après des ci, des cela. Les cours, on n'en donne plus de cours. Vous voulez être comme les autres, vous voulez être comme les autres? C'est ça qui est le problème d'une société. Si on veut avoir une société intelligente, on doit s'arranger, à un moment donné, pour comprendre ce que c'est qu'un cadre écologique, un écosystème. Et le gouvernement, ils disent, on va s'occuper de l'écologie. Non. Ça fait 5 ans qu'ils savent qu'il faut qu'on dépollue d'un champ plutôt que d'un ville, puis dépollue d'un ville. Ça coûte plutôt plus cher, mais ça ne donne pas le résultat. C'est la pollution agriculturelle qui est le plus. Bon, après ça, l'écosystème, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est le milieu de travail. Mais non, c'est l'air, personne ne comprend rien. Et en plus, les personnes font la grève. C'est quoi? C'est la grève d'évolution. Mais un gouvernement, ça ne donnerait pas grand-chose de travailler 4 ans pour ne pas se faire réaliser. Mais oui! S'il faisait ce que tu dis, il ne serait sûrement pas là même pour 4 ans. Il serait là pour 4 ans. Parce qu'un gouvernement, ici, c'est là pour 4 ans. Tant qu'il ne déclenche pas les élections, il est là. Puis le peuple a beau chialer. Dernièrement, quelqu'un me disait, au niveau des enfants teflon, tu devrais rejoindre les centrales syndicales pour en parler. Ah, bon, je leur ai dit, ça dépend, il y en a beaucoup de plages qui sont pas mal bouchées. Ah oui, mais c'est comme révolutionnaire ce que tu amènes. Tout ce qui est révolutionnaire, eux autres, ils financent ça. Ça me fait penser à bien des grévistes, à bien des gens qui sont pour rien, mais qui sont contre tout. Mais c'est finalement un peu ce qui arrive présentement. Et ça nous nuit. À un moment donné, on a fait passer un sondage au niveau de la clientèle. Bon, celle qui a fait les PMC, c'est quand même près de 600 personnes. Bon, ils ne viennent pas aux conférences du vendredi, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait passer un sondage. À ceux qui viennent aux conférences du mercredi, du vendredi, d'autres journées. Question. Bon, en termes de valeur, qu'aimez-vous le plus? Conférence ésotérique? Oui. Conférence douce? Non. Conférence où on vous envoie des... Bon, oui. Conférence politique? Non. Mais tous les individus devraient s'intéresser à ce genre de mécanique. Je ne parle pas d'une conférence où vous allez aller rencontrer un politicien. Je parle d'une conférence politico-ésotérique. Parce que c'est là-dedans que l'individu va comprendre une grande part de la mécanique qui le manipule au niveau même de la société. Il va comprendre pourquoi les patrons sont manipulés, pourquoi les employés le sont, pourquoi, enfin bref, il va être capable d'avoir une conscientisation de l'infrastructure même d'une société. Et il est dans une société, il est totalement tributaire de ce que la société fait. Et les individus ne voient... Bon, présentement, on a fait un sondage, comme on a fait un sondage, pour savoir la campagne politique, est-ce que ça vous intéresse présentement? Bon, à peu près jamais ça intéresse les humains, une campagne politique. Mais après ça, c'est les gouvernements qui sont là, qui changent tout, qui augmentent les impôts, qui augmentent les taxes, qui dépensent à mauvaise place, qui font ceci, qui font cela. Et présentement, il y a encore une possibilité de changer les choses. Est-ce que c'est un gouvernement péquiste qu'on doit amener là? Non. Est-ce que c'est un gouvernement libéral? Non. Est-ce que c'est rhinocéros? Non plus. Mais l'être humain devrait s'intéresser à quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est cette mécanique-là qui l'oblige à... Les problèmes que les parents ont avec les enfants, c'est à cause du gouvernement, c'est évident. Les problèmes de santé, c'est à cause du gouvernement. Si les êtres humains ont encore des caries ou des problèmes de digestion, c'est à cause du gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a jamais placé les infrastructures pour régler les problèmes. C'est évident que s'il le fait, les premiers à chialer, ça va être les votants. C'est pas grave, 2-3 ans après, l'humain va commencer à comprendre parce qu'il va voir les résultats. Sauf que l'humain, la majorité de ceux qui se conscientisent ou qui s'écologisent, bon, ils n'ont rien à faire avec les élections. Alors présentement, le peuple québécois, qui est un peuple intéressant, est un peuple qui, encore une fois, passe un petit peu à côté de la terre. C'est pas grave, c'est pas le temps, je comprends, c'est pas le temps. Autant dire ça, ça nous donne une raison de croire. Lentement, les grèves qu'on fait vont appauvrir le peuple québécois, c'est-à-dire que ça va enrichir certains individus. Ce qu'on devrait faire au Québec pour s'enrichir, c'est d'importer de l'argent. On n'en importe pas assez de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exporter quelque chose. Exporter notre intelligence, exporter notre électricité, pourquoi pas, mais on doit amener de l'argent ici. Et non, nous, on essaie d'agrandir par l'intérieur régulièrement. Les Québécois, ils vont finir par éclater autrement, là. Mais on agrandit par l'intérieur, alors vraiment, on n'a pas du tout. Pour toutes les personnes intéressées, la prochaine séance d'inscription pour le séminaire, c'est-à-dire le séminaire lui-même aura lieu le 28-29 octobre prochain. Les séminaristes sont invités à des activités VMC qui auront lieu sur une base de plein air à Saint-Liguori, le 29-30. Septembre et le 1er octobre prochain. Les places sont limitées, vous devriez réserver pour les intéressés. Deux nouvelles sessions techniques de contrôle MNC 1 et 2 débuteront la semaine prochaine et auront lieu le jeudi soir. Bonne semaine, la semaine prochaine, la conférence la semaine prochaine, attention au dialogue intérieur au LDN Richelieu à Montréal. Bonsoir.